Analyse du 7 septembre 2021. Thierry Pirlo, Sherpa One. Petite mise au point avec Herr Führer Schwab. Eh bien, en voilà une surprise. Un passeport vaccinal sur Bruxelles. Comme en France alors, mais avec un petit mois de décalage. Partout, même pour prendre un kawa en terrasse. Merde alors, on ne l'a pas vu arriver celui-là. Oufti, mais pas en Wallonie. On l'a échappé belle, dis donc, hein. Alors c'est quoi la suite, Klaus Schwab, espèce de taré de Davos? Un passe-partout? Comme un Fort Boyard alors. Merde. Tu te moques de nous, hein? Allez, à vous. Troisième confinement? Ok, pigé. Il en faut minimum 3 pour flinguer tous les indépendants. Hein? Et troisième dose pour les gagnants du premier tirage, hein? Mais pas très rentable, ça, Klaus. Regarde en Israël. Ils ne perdent pas de temps. Direct la quatrième dose. Oui, c'est vrai qu'ils ont été à la bonne école. Et ils savent ce que veut dire mettre les gaz, hein, Herr Schwab. Alors c'est quoi la suite, Klaus? Une petite cyberattaque mondiale déclenchée par des hackers terroristes QAnon, histoire de voir si la grande simulation de juillet Cyber Polygon est au point? Mouais, pas mal. Petit repas bougie et concert sur Butagaz, j'adore ça. Vax obligatoire pour tous? Va falloir être nombreux, Klaus. Tu sais que je n'aime pas les picouses, bordel. Sur fond de couvre-feu et d'attentats terroristes islamistes sous faux drapeau? C'est possible, ça, Klaus? Un rapport avec les Afghans que vous avez répartis en Europe, Klaus? Un peu comme avec Jürgen Koenig, mais en plus grand? Là, tu commences à m'intéresser, Klaus. Great Reset? C'est ça, ton idée, Klaus? Tu pousses sur un gros bouton rouge et tu flingues l'économie mondiale en une nanoseconde? Et on te rejoint dans ton quatrième Reich de transhumaniste consanguin, sans cash et les couilles dans un étau avec crédit citoyen et un passeport numérique? Plutôt crever la gueule ouverte, Klaus. Fais gaffe quand même, Klaus. On n'est pas des teutons, mais des putains de gaulois réfractaires, comme le dit Jupiter de sa populace. Et en plus, on est nombreux. Comment dis-tu, Klaus? Si on est nombreux à connaître ton plan de merde? Juste ceux qui savent lire, Klaus. Nos problémos. On n'a plus peur de rien de toute façon, et depuis très longtemps. On t'attend, Herr Führer Schwab. Sieg Heil!